بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. حياكم الله. Donc nous allons poursuivre l'explication du livre intitulé « Les trois fondements ». Livre écrit par l'éminent savant, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, rahmatan wasi'a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Donc l'auteur, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. La preuve concernant le désir, l'effroi et l'humilité réside dans la parole d'Allah. Il concourait au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Donc ici l'auteur, il a mentionné trois adorations. La première de ces adorations est le désir. Et le désir, il s'agit de l'envie d'obtenir une chose aimée. Et son sens est proche de l'espoir. Et son sens est proche de l'espoir. Tandis que l'effroi, donc la deuxième adoration que l'auteur a mentionnée, il s'agit de la peur qui pousse à fuir la chose que l'on craint. Et son sens est proche de celui de la peur. Ensuite, l'auteur mentionne l'humilité. Et cette adoration est à la base dans le cœur, mais elle a un impact sur les membres, la voix et le regard. Après avoir mentionné ces trois adorations, l'auteur il a mentionné le verset 90 de Sourate Al-Anbiya, de Sourate les Prophètes. « Innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba » Donc il concourait au bien et nous invoquait par amour et par crainte et ils étaient humbles devant nous. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe concernant les prophètes et il nous dit qu'ils invoquaient Allah par amour et par crainte. Et avec ce verset, Ikhwani fillah, nous pouvons réfuter certaines personnes qui prétendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne doit être adoré que par amour. C'est pour cela qu'ils vont te dire qu'ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala par crainte de son châtiment, ni par espoir de sa récompense, mais plutôt ils l'adorent par amour uniquement. Et lorsqu'ils parlent des gens de la sunna, il les compare à des acheteurs. Car l'acheteur, lorsqu'il donne de l'argent au vendeur, il attend quelque chose en retour. Il attend la marchandise. Et ils disent donc que les gens de la sunna sont semblables aux acheteurs. Car lorsqu'ils adorent Allah, ils attendent quelque chose en retour. Et cette chose, c'est le paradis. Et il n'y a pas de doute, Ikhwani fillah, que ceci est un égarement évident. Car dans le verset que l'auteur a cité, Allah subhanahu wa ta'ala décrit les meilleurs des créatures. Et s'il y aurait eu du bien dans le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement par amour, les prophètes l'auraient fait. Et ceci te montre clairement, ya Abdallah, que ces gens-là ne suivent pas la voie des prophètes, même s'ils prétendent être sur la voie du juste milieu. Ensuite, l'auteur nous dit par la suite, « Wa dililul khashya qawluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni » Et la preuve concernant la crainte réside dans la parole d'Allah, ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. Donc ici, l'auteur, il nous mentionne la crainte. Et la crainte, c'est la peur basée sur la science. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, à propos des savants, des ulama, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Parmi les hommes, seuls les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci car les savants connaissent Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et attributs et ils l'immensifient. Et donc leur peur est basée sur la science. Et la condition de la crainte est la connaissance de ce qui doit être craint. Et donc, plus la personne va connaître Allah, plus elle va la craindre. Et quelqu'un ici pourrait se poser la question suivante. Comment différencier la peur de la crainte? Car au préalable, nous avons vu la peur. Et maintenant, nous voyons la crainte. Donc comment différencier ces deux adorations? L'éminent savant Cheikh Al-Uthaymeen répond à cette question et nous dit que si on a peur d'une chose, que ça soit un animal ou un homme, sans savoir s'il a la capacité de causer un quelconque mal, alors le sentiment éprouvé est de la peur. Exemple, Khalid croise un animal dans une forêt et il ne connaît pas cet animal. Et donc Khalid s'enfuit seulement par précaution. Mais en vérité, il n'a aucune idée s'il peut lui faire du mal ou non. Par contre, lorsqu'on sait que cette personne ou cet animal a la capacité de nous faire du tort, le sentiment éprouvé et de la crainte. Donc dans le premier exemple, lorsque Khalid, donc on a dit que Khalid y croise par exemple un animal dans une forêt, donc s'il ne connaît pas cet animal, il s'enfuit juste par précaution, il ne sait pas si cet animal peut lui causer du tort ou non, là ici on va appeler ça de la peur. Mais par contre, si une personne fuit un animal, car il a la certitude qu'il peut lui causer du tort, alors ce sentiment-là est de la crainte. Ce sentiment-là est de la crainte. Et en ce qui concerne les catégories de crainte, il y en a quatre, tout comme la peur. Donc nous avons la crainte d'adoration, qui consiste à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette catégorie se divise en deux, tout comme la peur. Nous avons la crainte obligatoire, c'est celle qui te pousse à faire ce qui est obligatoire et délaisser ce qui est interdit. Ensuite, nous avons la crainte recommandée, qui est celle qui te pousse à faire ce qui est recommandé et à délaisser ce qui est détestable. Donc ceci est la première catégorie de crainte. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie, la crainte qui est du polythéisme majeur, qui consiste à craindre autre qu'Allah, comme on craint Allah, ou plus encore. Ensuite, nous avons la troisième catégorie, la crainte naturelle. C'est la crainte que tu peux avoir pour un animal féroce. Et donc, cette crainte-là est une crainte naturelle. Et pour finir, nous avons la quatrième catégorie, la crainte de désobéissance. Et tout ce qu'on a dit concernant la peur est valable aussi pour la crainte. Ensuite, l'auteur il dit wa dalilul inaba qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Quant à la preuve concernant le retour vers Allah, elle réside dans la parole d'Allah et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Donc ici l'auteur mentionne Al-Inaba, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le retour vers Allah, c'est le fait de se repentir à Allah sincèrement et de rajouter à son repentir des bonnes actions. Et ici, Juan Fillah, il convient de donner un exemple. Imaginons que Zayd se repent après s'être fait du tort à lui-même. Et en plus de se repentir, il se met à jeûner le lundi et le jeudi. Et il se met aussi à prier la nuit. Donc dans ce cas-là, ceci est considéré comme un retour vers Allah. Par contre, s'il se repent sans ajouter à cela de bonnes actions, c'est-à-dire qu'il ne rajoute pas d'autres bonnes actions à ses actions d'habitude, ceci est considéré comme un simple repentir. Quant à ces catégories, ils sont au nombre de deux. La première catégorie, le retour vers Allah, qui est une adoration, qui consiste à se repentir à Allah et à rajouter à cela des bonnes actions. Et la deuxième catégorie, le retour vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui consiste à se repentir à autre qu'Allah et de rajouter à se repentir des adorations pour cet autre. Et son jugement est du polythéisme majeur. Ensuite, l'auteur il nous dit « وَدِلِلُ الْإِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ وَفِي الْحَدِيثِ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِينَ بِاللَّهِ » La preuve concernant la demande d'aide réside dans la parole d'Allah « C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. » En outre, il y a le hadith suivant, si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, l'auteur mentionne la demande d'aide. Et la demande d'aide se divise en trois catégories. La première catégorie, celle qui est une adoration, qui consiste à demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie, celle qui est du polythéisme majeur, qui consiste à demander l'aide d'autre qu'Allah dans une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire. Et la troisième catégorie, celle qui est permise, elle consiste à demander l'aide d'une personne qui est vivante, présente et capable. Donc si tu demandes de l'aide à une personne qui est vivante, présente et capable, ceci est permis et il n'y a pas de mal dans cela. Et concernant le hadith que l'auteur a mentionné, si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Tirmidhi. Ce hadith regorge d'enseignements bénéfiques, surtout, ikhwani fillah, concernant l'éducation des enfants. Car dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne plusieurs recommandations à Abdullah ibn Abbas, alors qu'il n'était qu'un jeune garçon à l'époque. Et les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam traitent du domaine de la croyance, et on tire de cela qu'il convient aux parents d'enseigner à leurs enfants la bonne croyance, ainsi que les choses de bien, et cela dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, enseigne à ton enfant qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit tout le temps, qu'il l'entend tout le temps, et qu'il ne pourra jamais échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Enseigne-lui la croyance, la bonne croyance, la croyance authentique. Et ne dis pas comme certains, non, il est trop petit, il a le temps. Car en vérité, plus ces choses vont lui être dites tôt, plus ils auront le temps de s'ancrer en lui. Et ceci, ikhwani fillah, est la voix des pieux prédécesseurs, salafus salih. Au contraire, de ce que nous remarquons à cette époque, certains parents, qu'Allah nous guide et les guide, pervertissent leurs enfants avec des films et des dessins animés en tout genre, où on y trouve souvent des choses contraires à l'islam et à la pudeur. Et certains n'ont aucun mal à laisser leurs enfants des heures entières devant ce genre de choses. Et pire que cela, des fois, tu vois même qu'ils regardent ça en famille. Et ceci, ikhwani fillah, est une grave erreur. Il est impératif qu'on apprenne le bien à nos enfants. Les pieux prédécesseurs donnaient une importance particulière aux enfants, car ils savaient que ce sont eux l'islam de demain. Il a été rapporté qu'un des imams parmi les salafs, qui n'est d'autre que Suleyman ibn Mahran al-A'mash. Et Suleyman ibn Mahran al-A'mash, il faisait partie des tabi'in. Et un jour, il était introuvable. Les gens se mirent à le chercher, car c'était un imam. Et comme vous le savez, ikhwani fillah, ces montagnes de science sont toujours très convoitées. Les gens viennent de partout pour prendre de la science et pour leur poser des questions et leur demander des avis juridiques sur tel ou tel sujet. C'est alors qu'un homme le trouva. Il trouva Suleyman ibn Mahran al-A'mash. parmi les enfants qui récitaient le Coran. Donc il l'a vu avec les groupes d'enfants qui récitaient le Coran. Et les gens se sont alors étonnés. Qu'est-ce qu'un grand imam tel qu'Al-A'mash, un grand muhaddith, l'un des plus grands savants du hadith de son époque, qu'est-ce qu'il fait avec des enfants alors que les gens se bousculent pour prendre de lui le hadith et pour lui demander des avis juridiques? Ils viennent parfois de contrées très lointaines pour venir à sa rencontre. Que fait-il avec des enfants? Et Al-A'mash leur a fait comprendre que c'est eux l'islam de demain et qu'il faut leur donner de l'importance. Et c'est cette chose, ikhwani fillah, que nous devons avoir en tête. Nos enfants sont l'islam de demain, incha'Allahu ta'ala. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver nos enfants de tout mal. Ensuite, l'auteur il dit وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. La preuve concernant la demande de protection se trouve dans la parole d'Allah, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, ainsi que dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. » Donc ici l'auteur, rahimahullah, il a mentionné la demande de protection. Et la demande de protection, tout comme la demande d'aide, se divise en trois catégories. La première catégorie, la demande de protection, qui est une adoration. Et elle consiste à demander la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie, c'est la demande de protection qui est du shirk. Et elle consiste à demander protection à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut te protéger. Et donc ceci est du shirk majeur. La troisième catégorie, c'est la demande de protection qui est permise. C'est le fait de demander la protection d'une personne qui est vivante, présente et capable. Donc ceci est permis, et donc tout comme la demande d'aide, la demande de protection se divise en trois catégories. Celle qui est une adoration, celle qui est du shirk et celle qui est permise. Ensuite l'auteur il dit « Wa dalilul istighatha » قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. La preuve concernant la demande de secours se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Donc ensuite l'auteur il a mentionné la demande de secours. Et donc ici, il y a une question que l'on peut se poser. Et cette question est, quelle est la différence entre la demande d'aide et la demande de secours? Donc c'est quoi la différence entre al-isti'ana et al-istirafa? La réponse à cette question, c'est que la demande de secours, c'est une demande que tu fais à Allah subhanahu wa ta'ala quand tu es éprouvé. Quand tu es éprouvé, lorsque tu es en difficulté. Donc lorsque tu es en difficulté et que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te porter secours, Donc là, ici, on appelle ça la demande de secours. Tu es déjà éprouvé. Tu es déjà en difficulté. Alors que la demande d'aide, ce n'est pas comme cela. Quand, par exemple, tu vas vouloir faire une chose, rentrer dans une chose, par exemple, tu vas demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu vas, par exemple, écrire un livre, lorsque tu vas étudier un livre ou autre, tu vas demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la demande de secours, tu es déjà éprouvé, tu es déjà en détresse et tu demandes le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant ces catégories, tout comme la demande de protection et la demande d'aide, la demande de secours se divise en trois catégories. Premièrement, la demande de secours qui est une adoration. Et donc c'est le fait de demander secours à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie, c'est la demande de secours qui est du shirk. C'est le fait de demander secours à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut te secourir. Et la troisième catégorie, c'est la demande de secours qui est permis. La demande de secours qui est permise. Et donc, c'est le fait de demander le secours à une personne qui est vivante, présente et capable. Et lorsqu'on médite sur ces trois adorations, on remarque, lorsqu'on revient dans la langue arabe, on voit que ces trois mots commencent par les mêmes lettres. Al-isti'ana, al-isti'adha et al-istirafa. Donc, ces trois mots commencent par un alif, un sin et un ta. Et les savants de la langue arabe nous mentionnent une règle. Et ils nous disent que, en règle générale, les mots qui commencent par un alif, un sin et un ta, ces mots-là montrent la demande. Ces mots-là montrent la demande. Par exemple, al-isti'ana, c'est la demande d'aide. Al-isti'adha, c'est la demande de protection. Al-istirafa, c'est la demande de secours. Al-istirfar, c'est la demande de pardon. Al-istirzaq, c'est la demande de subsistance. Ça, c'est en règle générale. Mais il y a certains mots qui commencent par un alif et un sin et un ta qui ne montrent pas la demande. Ça, les savants, ils ont dit, c'est en règle générale. En règle générale, quand tu vois un mot qui commence par un alif, un sin et un ta, d'accord, ça montre la demande. Comme on l'a mentionné, al-isti'ana, la demande d'aide. Al-isti'adha, la demande de protection. Al-istirafa, la demande de secours. Al-istirfar, la demande de pardon. Al-istirzaq, la demande de subsistance. Mais des fois, dans la langue arabe, vous avez des mots qui commencent par un alif, un sin et un ta, qui ne montrent pas la demande. Qui ne montrent pas la demande. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.